Chapitre 2. Quelles que fussent les appréhensions du lieutenant, elles se dissipèrent rapidement, sans laisser de traces. Il continua de visiter de plus en plus fréquemment les deux dames de Riga. D'abord, le sensible Yargunov alla chez elle en cachette, ayant quelque honte d'une telle intimité. Puis, peu à peu, il préféra ouvertement la demeure de ses nouvelles connaissances à toute autre maison, sans excepter naturellement les tristes quatre murs de sa chambre. Madame Fritschen n'excitait plus en lui de sensations désagréables, bien qu'elle continuât de le traiter d'une façon peu avenante et presque farouche. Les dames de cette espèce apprécient principalement de leurs visiteurs la générosité, et le lieutenant n'était pas sans quelque avarice. En fait de cadeaux, il donnait plus volontiers des noix, des raisins secs et des pains d'épices. Une fois seulement, il s'était ruiné, suivant sa propre expression. Il avait offert à Émilie un petit fichu en soie rose et de véritables fabriques françaises. Le jour même, elle en brûla les bois à la chandelle. Il lui fit des reproches. Alors elle attacha le fichu à la queue de sa chatte. Il se fâcha et lui rit au nez. Le lieutenant dut enfin s'avouer que non seulement il n'inspirait aucun respect aux dames de Riga, mais qu'il n'avait pas même acquis leur confiance, car on ne le laissait jamais entrer d'emblée et sans un examen préalable. Souvent, on le faisait attendre. D'autres fois, on le congédiait sans façon, et pour ne pas le mettre dans les confidences, on parlait allemand devant lui. Émilie ne lui rendait aucun compte de ses actions, et à toutes les questions qu'il pouvait faire, elle trouvait toujours des échappatoires. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était de se voir constamment fermer certaines chambres de la maison de Madame Fritsch, qui, bien qu'elle eût toutes les apparences d'une cabane, était assez spacieuse. Malgré tout, Yargunov était toujours aussi assidu chez Émilie. Il rencontrait là, comme nous disons, des âmes vivantes, et son amour-propre était secrètement flatté de ce que sa jeune amie, qui continuait à l'appeler Florestan, admira de plus en plus sa mâle beauté et trouva que ses yeux ressemblaient à ceux d'un oiseau de paradis. Un jour, au plus fort de l'été, à midi, le lieutenant, après avoir passé toute sa matinée en plein soleil avec les ouvriers du chantier, se traîna, harassé, jusqu'à la petite porte de lui trop connue. Il frappa, on ne le fit pas attendre. À peine entré dans ce qu'on nommait le salon, il se laissa tomber sur le sofa. Émilie s'approcha et essuya avec son mouchoir son front baigné de sueur. « Qu'il est fatigué, qu'il a chaud, » dit-elle avec compassion. « Pauvre ami, s'il avait seulement décroché les agrafes de son hausse-col, oh Seigneur, on voit sauter sa petite âme dans sa poitrine. »« Je n'en puis plus, » répondit Yargunov en gémissant. « Debout depuis le matin, et ce soleil brûlant sur mon shako. Je voulais d'abord me réfugier à la maison. » Mais ces serpents de fournisseurs m'y attendent. Ici, chez vous, quelle fraîcheur. Je crois que si j'osais, je ferais un petit somme. Eh bien, dors. Personne ici ne te gênera. Mais j'ai conscience. Quelle idée. Dors, je vais te bercer. Il se mit à fredonner une berceuse. L'autre dit, si je buvais d'abord un peu d'eau. Tiens, en voici, fraîche comme du cristal. Attends, je vais te mettre un petit coussin sous la tête. Et encore ceci, contre les mouches. Elle lui couvrit le visage de son fichu. « Grand merci, mon petit Cupidon, » dit l'autre, et déjà il s'était endormi. Émilie chantonnait en se balançant comme si elle l'eût bercé, et elle riait elle-même de son geste et de sa chanson. Au bout d'une heure, Yargunov s'éveilla. Il lui avait semblé à travers son sommeil que quelqu'un l'avait touché en se penchant sur lui. Il enleva le fichu qui lui couvrait les yeux. Émilie se tenait à genoux tout près de lui, avec une expression de visage qui lui parut étrange. Elle se releva précipitamment et courut vers la fenêtre en cachant quelque chose dans sa poche. Le lieutenant s'étira les membres. « J'ai pourtant bravement dormi, » dit-il. « Venez un peu vers moi, ma chère demoiselle. » Émilie se rapprocha. Il se souleva brusquement du sofa, enfonça sa main dans la poche d'Émilie et en tira une paire de petits ciseaux. « Jésus !» s'écria involontairement Émilie. « Ce sont des ciseaux ?» balbutia le lieutenant. « Certainement. Que croyais-tu donc trouver? Un pistolet? Oh, quelle drôle de figure il a! Les joues plissées comme un coussin et les cheveux tout droits sur la nuque. Il ne sourit même pas. Oh !» Émilie se tordit de rire. « Assez, assez !» dit le lieutenant d'un ton fâché. « Si tu ne peux rien trouver de plus spirituel, je m'en vais. Je pars. » ajouta-t-il en voyant qu'elle ne cessait pas de rire. Et il prit son shako. Émilie se tut. « Fille, qu'il est méchant, » dit-elle, « un vrai russe. Tous les russes sont méchants. Voilà qu'il s'en va. Fille, Hier, il m'a promis 5 roubles. Aujourd'hui, il ne m'a rien donné, et il s'en va. « Je n'ai point d'argent sur moi, » murmura le lieutenant, déjà sur le seuil de la porte. « Adieu. » Émilie le suivit des yeux et le menaça du doigt. « Entendez-vous ce qu'il dit? Il n'a pas d'argent. »« Oh, que tous ces Russes sont trompeurs. »« Mais attendez, attendez, monsieur l'enjôleur. Petite tante, venez ici, j'ai quelque chose à vous confier. » Le soir du même jour, en se déshabillant pour se coucher, le lieutenant s'aperçut que le rebord supérieur de sa ceinture, de cette ceinture qu'il portait toujours sur lui, était décousu de la longueur d'un doigt. En homme d'ordre qu'il était, il prit aussitôt du filet une aiguille, cira le fil et répara soigneusement la déchirure. Du reste, il ne prêta aucune attention à cette circonstance insignifiante. Toute la journée suivante fut consacrée par le lieutenant au devoir du service. Il ne sortit pas de la maison même après dîner, et jusqu'à la nuit, à la sueur de son front, il rédigea et copia des rapports à l'autorité, confondant impitoyablement l'accent grave avec l'accent aigu, plaçant chaque fois après mais un point d'exclamation et après cependant un point et une virgule. Le lendemain matin, un enfant juif, pieds nus et couvert d'une souquenille en loques, lui apporta une lettre d'Émilie, la première qu'il eut reçue d'elle. « Mon très cher Florestan, lui écrivait-elle, es-tu maintenant fâché contre la Zuckerpüppchen que tu n'es pas venu hier ? De grâce, ne sois pas trop fâché. Si tu ne veux pas que ton aimable Émilie pleure beaucoup, beaucoup, et viens ce soir à 5 heures sans faute. » Le chiffre 5 était entouré d'une double petite couronne de fleurs dessinée à la plume. « Ton aimable Émilie. » Le lieutenant s'étonna. Il ne croyait pas son Émilie si savante. Il donna un sou à l'enfant et fit répondre qu'il irait. Yergunov tint parole. 5 heures n'avaient pas encore sonné que déjà il frappait à la porte de Madame Fritsche. Mais à sa grande surprise, Émilie n'était point à la maison. Ce fut la tante qu'il reçut, et après lui avoir fait, chose étonnante, une révérence préliminaire, elle lui apprit que des circonstances imprévues avaient forcé Émilie à s'absenter, mais qu'elle serait bientôt de retour et qu'elle le priait de l'attendre. Madame Fritsche s'était coiffée d'un bonnet tout blanc, elle souriait, elle parlait d'une voix caressante et s'efforçait évidemment de donner une impression aimable à son visage renfrogné, qui du reste ne gagnait rien à ses efforts et prenait au contraire je ne sais quelle teinte équivoque et louche. « Prenez place, monsieur, prenez place, » disait-elle en lui avançant un fauteuil, « et si vous le permettez, nous aurons le plaisir de vous offrir une petite collation. » Madame Fritsche fit une autre révérence, sortit de la chambre, et revint bientôt avec une tasse de chocolat sur un plateau de fer blanc. Le chocolat n'était pas de qualité supérieure. Cependant, le lieutenant le but avec plaisir, mais il essayait vainement de comprendre d'où venait le subit empressement de Madame Fritsche et ce que tout cela signifiait. Émilie ne venait point. Il commençait à perdre patience lorsque tout à coup les sons d'une guitare se firent entendre dans la maison, derrière le mur de la chambre. Ce fut un accord, un second, un troisième, de plus en plus fort et plein. Le lieutenant fut frappé de stupeur. Émilie avait bien une guitare, mais cette guitare n'avait que 3 cordes. Il n'avait pas encore trouvé le temps d'acheter les autres. D'ailleurs, Émilie n'était pas à la maison. De réchef, un accord résonna, si fort cette fois qu'il semblait partir de la chambre même. Le lieutenant tourna sur ses talons et faillit pousser un cri de surprise et d'effroi. Devant lui, sur le seuil d'une petite porte basse qu'il n'avait point remarquée jusqu'alors, cachée qu'elle était par la lourde armoire, se tenait un être inconnu, étrange, pas enfant, pas jeune fille non plus. Cette créature était vêtue d'une robe blanche bigarrée de dessins de couleur et portait des chaussures rouges à talons. Retenue au sommet du front par un cercle d'or, ses cheveux noirs, épais et lourds, tombaient comme un manteau de sa petite tête sur son corps grêle et maigre. Sous cette masse, 2 grands yeux brillaient d'un éclat sombre et 2 bras minces et hâlés, chargés de bracelets d'or, tenaient des 2 mains une guitare. À peine pouvait-on apercevoir le visage, tant il semblait étroit et obscur. Seulement un nez effilé s'y dessinait en ligne droite au-dessus de lèvres rouges. Le lieutenant resta pétrifié. Il regardait sans cesse des yeux cet être bizarre qu'il le regardait aussi les yeux fixes et sans prononcer une parole. Il revint pourtant à lui et s'approcha à petits pas. Le visage sombre se mit peu à peu à sourire. Des dents blanches brillèrent tout à coup, la tête se releva et secouant sa lourde chevelure se montra dans toute sa beauté fine et acérée. « Quel est ce diablotin ? » murmura le lieutenant, et s'approchant encore davantage, il dit à voix basse « Petite, petite, qui es-tu ? Ici, répondit-elle d'un timbre voilé, avec une prononciation étrangère qui faisait porter à faux les accents. Ici, puis elle fit un pas en arrière. Le lieutenant franchit le seuil après elle et se trouva dans une très petite chambre, sans aucune fenêtre, dont les murs et le plancher étaient recouverts d'épais tapis en poils de chameau. Une forte odeur de musc le prit à la gorge. De fines bougies en cire jaune brûlaient sur une table ronde devant un sofa très bas à la turque. Un très petit lit se voyait dans un coin, caché sous des rideaux à mousseline orientale à rayures satinées, et un chapelet d'ambre terminé par un gland de soie rouge était suspendu à la tête du lit. « Mais permettez, qui êtes-vous enfin ?» répéta le lieutenant. « Sœur, sœur d'Émilie. Vous êtes sa sœur, vous demeurez ici ?»« Oui. » Le lieutenant étendit de nouveau la main vers elle, et de nouveau elle recula. « Comment se fait-il donc qu'elle ne m'ait jamais parlé de vous ? Vous cacheriez-vous ? » L'autre dit oui d'un signe de tête. « Vraiment ? Vous avez des raisons pour vous cacher ? Voilà donc pourquoi je ne vous ai jamais aperçu. J'avoue que je ne soupçonnais pas seulement votre existence. » « Quoi ? Cette grosse vieille, Madame Fritschet, est votre tante ? Oui. On dirait que vous ne comprenez pas très bien le russe. Comment vous appelle-t-on ? Colibri. Hein ? Colibri. Colibri ? Voilà un nom extraordinaire. N'est-ce pas, il y a en Afrique des insectes qui se nomment ainsi. Colibri se mit à rire d'un rire court et bizarre, comme si des vers s'entrechoquaient dans son gosier. Elle secoua gravement la tête, jeta un rapide coup d'œil autour d'elle et... posant la guitare, elle s'approcha de la porte en un saut et la ferma brusquement. Chacun de ses mouvements était preste, agile, avec le frôlement sec d'un lézard. Ses cheveux lui tombaient par derrière plus bas que les jarrets. « Pourquoi fermez-vous la porte ? » lui demanda le lieutenant. Colibri posa un doigt sur ses lèvres. « Pour Émilie. » Le lieutenant eut un sourire de fatuité. « Seriez-vous jalouse ? » « Quoi ?» dit Colibri en levant la tête et prenant comme à chaque question qu'elle faisait d'une expression enfantine. Jalouse, fâchée. Oh oui. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Écoutez, quel âge avez-vous ? 17. 17 ans, vous voulez dire ? Oui. Le lieutenant parcourut de nouveaux regards plus scrutateurs sa bizarre compagne. Mais vous êtes une vraie petite merveille de beauté. Quels cheveux, quels yeux et ces sourcils ! Oh ! Colibri se mit à rire encore et fit lentement rouler ses yeux magnifiques. Oui, je suis une beauté. Dit-elle avec une gravité étrange. « Asseyez-vous, moi, près de vous. Tenez, une fleur, belle fleur, qui sent bon. » Elle tira de sa ceinture une branche de lilas blanc et regarda le lieutenant par-dessus les fleurs dont elle mordit un pétale. « Tenez, voulez-vous des confitures de Constantinopoli ? Chère bête. » Colibri se leva rapidement, s'approcha d'une commode, l'ouvrit et en tira un petit pot doré enveloppé dans un morceau d'étoffe rouge parsemé de paillettes en acier. Puis une cuillère en vermeil, une carafe en cristal à facettes trempées d'eau et un verre pareil. « Prenez du sherbet, signor, bien bon, et je chanterai. Voulez-vous » Elle saisit la guitare. « Vous chantez ?» demanda le lieutenant en se mettant dans la bouche une cuillerée de ce sherbet, qui était excellent, en effet. Colibri saisit des deux mains son épaisse chevelure, la rejeta en arrière, pencha la tête de côté et passa quelques accords en regardant avec attention le bout de ses doigts et le manche de sa guitare. Puis elle se mit à chanter d'une voix agréable et plus forte qu'on ne pouvait l'attendre d'un être aussi frêle, mais qui parut bizarre au lieutenant. « Comme elle miaule, la petite chatte !» se dit-il en lui-même. Elle chantait une chanson mélancolique. Ce n'était ni du russe, ni de l'allemand. C'était une langue absolument inconnue à Yergunov. D'après ce qu'il a rapporté, des sons gutturaux et étranges se mêlaient fréquemment à son chant. Et pour terminer, elle prononça lentement le mot « Zinzimar », »,« Zintamar », ou quelque chose d'approchant. Ensuite, elle appuya sa tête sur sa main, poussa un soupir et posa la guitare sur ses genoux. « Eh bien, » demanda-t-elle, « voulez-vous encore ?»« Avec plaisir, » répondit le lieutenant. « Mais pourquoi toujours le visage si triste ? Prenez un peu de sherbet. » « Non, mangez-vous. Cette fois, ce sera plus gai. » Alors elle chanta une autre chansonnette à la façon d'un air de danse, mais dans la même langue incompréhensible et avec les mêmes sons de gorge. Ses doigts basanés couraient sur les cordes comme de vraies petites araignées, et elle finit en jetant un grand cri sur le mot « assa » et en frappant un coup violent et répété avec son petit poing sur la table. Ses yeux brillaient d'un éclat sauvage. Le lieutenant était, comme nous disons, embrouillardé. La tête lui tournait. Tout était si nouveau pour lui. cette odeur de musc, ces chants bizarres, ces bougies en plein jour, ce sherbet à la vanille, et puis cette colibri qui s'approchait de lui plus près et plus près, ses cheveux qui luisaient et bruissaient comme la soie, et ce visage toujours si triste. « C'est une roussalka, » se dit-il, éprouva un malaise singulier. « Ma petite âme, avouez, qui vous a donné l'envie de m'appeler aujourd'hui ? Vous êtes jeune, joli garçon, j'aime cela. Ah, mais que dira Émilie ? Elle va venir, elle m'a écrit ce matin. Rien à Émilie, elle me tuerait. » Le lieutenant partit d'un éclat de rire. « La croyez-vous si méchante ?» Colibri hocha la tête. « Il n'y a pas que les méchants qui tuent. Rien non plus à Malin Fritsch. » Elle lui frappa plusieurs fois le front du bout du doigt. « Comprenez-vous, officier ?» Le lieutenant fronça le sourcil. « Bon, bon, je garderai ton secret, mais en récompense, tu me donneras un baiser. Non, après, quand tu partiras, tout de suite. » Il se pencha vers elle, mais elle recula lentement, se redressa et se raidit comme une couleuvre sur laquelle on a marché dans l'herbe épaisse d'un bois. Le lieutenant la regarda dans le blanc des yeux. « Est-elle méchante ? » dit-il. « À ton aise, et que Dieu te bénisse !» Colibri se mit à rêver un instant, et elle se décidait à se rapprocher du lieutenant lorsque trois coups sourds retentirent dans la maison. Colibri se leva brusquement, avec un rire forcé. « Aujourd'hui non, demain oui. Bien demain. À quelle heure ? Le soir, à 7 heures. C'est bien, mais demain tu me diras pourquoi tu t'es si longtemps caché de moi. Oui, oui, demain. La fin, mon officier. Alors tiens ta parole, et je t'apporterai un joli petit cadeau. Jamais !» dit-elle en frappant du pied. « Cela, cela !» montrant ses habits, ses bijoux, tout ce qui l'entourait. « Cela, à moi, des cadeaux, jamais !»« Ne vous fâchez pas, mademoiselle, je ne force personne. Il faut donc partir. Adieu, mon petit joujou. Et le baiser ?» Colibri bondit légèrement, et jetant ses deux bras autour du cou du jeune lieutenant, elle lui donna un baiser qui fit à Yergunov l'effet d'un coup de bec. Il voulut l'embrasser à son tour, mais elle s'échappa vivement et s'abrita derrière le petit sofa. « Ainsi donc, à 7 heures demain ?» dit le lieutenant un peu confus. Elle lui répondit par un signe de tête et prenant du bout des doigts une de ses longues tresses de cheveux, elle se mit à les mordiller de ses dents aiguës. Le lieutenant lui fit de la main un geste d'adieu et tira la porte sur lui. Il entendit Colibri s'en approcher en courant et la fermer à double tour. Il n'y avait personne dans le salon de Madame Fritsch. Le lieutenant, qui ne se souciait pas de rencontrer Émilie, se hâtait de sortir. Mais en arrivant au perron, il vint se heurter contre la maîtresse du logis. « Vous partez, monsieur le lieutenant ?» dit celle-ci avec la même grimace affectée et sinistre. « Vous n'attendrez pas Émilie ?» Le lieutenant mit son chaco. « Je dois, madame, vous faire savoir que je n'ai pas l'habitude d'attendre. Il est fort probable que je ne viendrai pas demain non plus. Informez-en votre nièce. » « Bien, bien, » dit l'autre. « Mais vous ne vous êtes pas ennuyé, monsieur le lieutenant. »« Non, madame, je ne me suis point ennuyé. »« C'est tout ce que nous voulions savoir. Nous vous présentons nos hommages. »« Je vous salue, madame. » Le lieutenant rentra chez lui et, se jetant sur son lit, s'enfonça dans un dédale de réflexion. « Que diable est-ce cela ? » s'écria-t-il plus d'une fois à voix haute. « Pourquoi Émilie m'a-t-elle écrit ? Elle me donne un rendez-vous et n'y vient pas. » Il prit la lettre d'Émilie, la tourna dans ses mains, la flaira. Elle sentait le tabac fumer, et dans un endroit l'on avait remplacé un verbe masculin par la terminaison féminine. De cela, que pouvait-on conclure ? Est-il possible que cette vieille juive, que Dieu confonde, ne sache rien ? Elle, surtout, qui est-elle ? La charmante colibri ne lui sortait pas de la tête, et il attendait impatiemment la soirée du lendemain, bien que, dans le fond de son âme, il eut presque peur de ce petit joujou.